Je salue les bien-aimés des frères et des sœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même ceux qui nous suivent par Internet, je les salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à vous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Tout à somme à mon titre. Tito. Chapitre 2. Suraya qui appelle il y a Tito. Verset 11. Car la grâce de Dieu, Kwani nema ya Mungu, source de salut pour tous les hommes, chemchemu ya wokovu kwa watu wote, a été manifestée. Ilionekana. Cette grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Inema inatufundisha tuache uchafu bote. Et au convoitise mondaine. Na matamaya dunia. À vivre dans les siècles présents, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Pouvez-vous asseoir et que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Hier, nous sommes arrivés au point de dire que si vous voulez expérimenter la Pentecôte, kama unapenda kuonja Pentecosta, tu dois renoncer au péché. Unapashi kukatala zambi zote. Parce que zambi banesha kukufununia yuko wazi. Parce que le péché, on te l'a déjà révélé, il est ouvert. Maintenant, à toi de renoncer. Wenjo wa kuikatala. Amen. Amina. Mukristu ni mukristu fashi yote konenda. Un chrétien, il est chrétien partout où il va. Tawezu kuleta mufanu ya Joseph. Je peux donner l'exemple de Joseph. Joseph alikuwa mukristu katikati ya wandugu yake. Joseph était chrétien au milieu de ses frères. Joseph alikuwa mwaminifu wa Mkristo munyumba ya Potifar. Il a continué à être chrétien dans la maison de Potifar. Alijaribiwa. Il a été tenté. Unajua hadithi. Vous connaissez bien l'histoire. Alijaribiwa na bibi wa Potifar. Il a été tenté par la femme de Potifar. Alikatala. Mais il a refusé. Kunaikalaka ma occasion ya dhambi atufanyaki. Il y a certaines occasions du péché mais on les commet pas, on les fait pas. Et surtout Léo. Surtout aujourd'hui. Le péché est à prix vil. Il est même si on ne boit pas de la bière, ce n'est pas comme ça. Même si on ne mène pas toute mauvaise vie du monde, ce n'est pas par manque d'argent. Amen. Amen. C'est parce que nous sommes déjà délivrés. Le salut commence dans le cœur. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons passer par la deuxième étape. Pour expérimenter la Pentecôte, il faut un évangile à l'ancienne mode. Il n'a pas injili ile ya zamani qui reprend et qui censure les péchés. Ile kuna kemea na kukemea zambi. Évangile social. Injili ya kupendeza watu. Haitafanya upokee ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ça ne fera pas que tu sois sauvé et recevoir les saints. Il faut seulement cet ancien évangile. Je me souviens d'un autre ancien. Donne-moi l'ancien évangile. Il chantait un cantique. C'est bon pour moi. Il est un djili à Zamani. C'est bon pour Pierre. C'est bon pour Jacques. C'est bon pour Jean. C'est bon aussi pour moi. Amen. C'est l'ancien évangile. Dieu est qu'on a qu'aimé en Zambie. C'est celui-là qui censure les péchés. Bantu abana ba ennemi betu. Les gens ne sont pas nos ennemis. Ennemi wetu wenami ni shetani na mademo. Notre ennemi à nous tous, toi et moi, c'est Satan et les démons. Alors c'est pourquoi il faut un évangile. Il n'a pas chié un jili. À la sienne mode. Il est à Zamani. Il reprend. Il est qu'on a qu'aimé na qu'aimé à Kamisa. Timothée. Timothée Wapili. Timothée wa pili sura yake ya 4. Verset 1. Je t'appongis devant Dieu, devant Jésus-Christ. Il doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se détourneront, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Amen. Comme nous sommes maintenant, 1 Timothée chapitre 5, verset 24. Timothée wa kwanza sura 5, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes. Zambi ya watu wengine iku naonekana. Avant qu'on les juge. Atambele ya kuyukumu. Tandis que chez d'autres, alakini kwa bengine, il ne se découvre que dans la suite. Zambi yabo itaonekana paka kisha. Kuko mazambi ingine tunonaka, il y a certains péchés qu'on peut voir. On doit les censurer. Tout le temps, le prophète. Nous allons lire les prophètes. Dès qu'on les voit au milieu des enfants de Dieu, pour que ça ne puisse pas s'affecter aux autres. Maintenant, il y a un petit diamant. Et maintenant, les péchés qui sont cachés, c'est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui les connaît. Et c'est lui qui les censure. Amen. Amen. Comme on a dit dans Matthieu chapitre 14, verset 3 à 5, Matthieu. Car Hérode qui avait arrêté Jean, quand Hérode l'arimufungaka Yohane, l'avait lié et mis en prison. Arimufunga na kumutupa mukifungo. À cause d'Hérodias. Kwa ajili Hérodias. Femme de Philippe, son frère. Muke wa Philippe ndugu yake. Parce que Jean lui disait, kwani Yohane alikuwa na mwambia, il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Haikuruhusiwa umchugue sawa bibi yako. Et il voulait le faire mourir. Naye alipenda muishi. Mais il craignait la foule. Lakini alikuwa anaogopa kundi ya watu. Il regardait Jean comme un prophète. Kwani kundi ya watu ilimjua Yohane sawa nabii. Mtumishi wa Mungu. Un serviteur de Dieu. Mwenye kuwa mandaté na Mungu. Qui est mandaté par Dieu. Et la cajolée Zambi. Non, non mon frère. Puisque ni Jésus. Parce que c'est le péché qui a tué Jésus. C'est lui qui a tué ton père, te tuera aussi un jour. On ne peut pas nouer d'amitié avec les péchés. C'est à toi de découvrir si le péché est en toi. Il te tuera un jour. Amen. Amina. Maintenant regardez. Où est Hérode? Comme il était païen, s'il était chrétien, lorsqu'il lui a montré son erreur, il devait confesser ses repentances. La repentance est pour les enfants de Dieu. La repentance n'est pas donnée à qui que ce soit, même au milieu de nous. S'il y a un frère ou une soeur qui a l'habitude de se repentir, il n'a pas l'habitude de se repentir, je ne sais pas. C'est lui qui n'a pas l'habitude de se repentir, il n'a pas les saluts. Bien qu'Hérode était roi. À ta ville, Hérode a quoi me faire le même. Mais pourquoi me faire le même David? Il y avait un autre roi, David. Lui a vu avec comme il erreur. Nathan. Nathan. Est-ce que vous pouvez bénéficier? Il n'avait pas cajolé. Mon ami Abari. Vous connaissez l'histoire. Arimutupi en fumbo. Il lui a lancé un défi. Il y avait un homme. Qui avait reçu des visiteurs. Arikona bangombe ba mingi. Il avait beaucoup de bœufs. Au lieu de toucher ngombe moya mouye le mugeni. Au lieu de mais on a fait au kamoya tout. Mais il a pris seulement un bœuf. Na kumnyanya ile kakondona na kumuye le mugeni. Il a vu l'agneau et. Wezo wa mfalme anasema nini? Et maintenant il a dit qu'est-ce que le prophète a dit? David était condamné. Un jour, tu peux même juger ton affaire à toi-même. Nathan a dit que cet homme-là, c'est toi. Frère et sœur, Zambi abejibaki. On ne peut pas se rassasier du péché. Imaginez-vous David avec à peu près 500 femmes. Mufikili Daudi alikuwa na babibi 500. Mais anafuata tu wakamoya. Mais il a courtisé la femme d'autrui, une seule femme. Il est crime mon munene ça. Ni uaji munene. Mais wa vile alikuwa ni mtoto wa Mungu. Comme il était un enfant de Dieu. Na Mungu alianza kumuta pale sema kama David c'est un homme selon mon cœur. Et Dieu l'a apprécié que David alikuwa mtu kufatana na roho yake. Mais vile alikuwa mumwili. Bien qu'il était aussi dans la chair, il était tombé. On lui a montré son erreur. Il s'est repenti. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui touchent à Zambie. Une fois que vous prêchez, que vous touchez à son péché, en sortant, il ne va même pas te saluer. Il ne va pas te saluer. Reste avec ta salutation. Dio. Toi, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a aidé? Mais je vous ai dit que même votre pasteur ne connaît pas vos cœurs. Même ton mari ne connaît pas ton cœur. C'est toi seul qui connais ton état de ton cœur. Et maintenant, Dieu t'a aidé, il a parlé du haut de la chair ton péché. J'ai prêché un jour à Likasi. Je pense que c'est le même message. Donc moi, Mouema, il m'a suivi. Il m'a dit, cette prédication me concerne. J'avais déjà commencé une vie de fraude. C'est Dieu qui a voulu me retrouver sur la ligne de que Dieu bénisse. Ils ont des démons, ils ne feront jamais Dieu. Vous allez l'accepter même à Amen. La maison. Et ta peignée. Pour expérimenter la Pentecôte. Pentecosta. Il faut une prédication. Il n'a pas à l'ancienne mode. Il est qui bat les chrétiens. Yenye. Pardon? Qui bat les chrétiens. Yenye kupika wa Christ. Ou l'église. Yenye kupika kanisa. Amen. Amina. El Shaddai. Maubiri El Shaddai. Page 9. Kartasi ya 9. Paragraphe 26. Nukta makumi mbili na sita. Et c'est ce que dit la Bible. Je qui les Bibles et venez acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu. Mukuje mununue kwangu sababu yenye kupimwa na moto. De l'eau pure. Zabu safi. Car les anciens battaient. Prenez de l'or. Kwani bapikaji wa zamani walikuwa nachugua zahabu. Il est batté. Balikuwa naipiga. Elle est battée. Na kuipiga. Puis elle retourne. Kuisha kuigeuza. Elle est battée. Na kuipiga tena. Il est batté. Kuipiga na kuigeuza. Pour en faire sortir les scories. Juba toshe mwe ile mabuchafu. Jusqu'à ce qu'il se reflète. Kufika na pale uso yabo yonekane mune. Qu'il se voie dedans. Bapate kujiona muzaabu. À ce moment-là. Mwile wakati. Ils savaient qu'ils avaient enlevé toutes les scories. Juba balijua sema banatosha buchafu yote. C'est ainsi que. Jo mwina muna. Dieu. Mungu naye. Il prend le Saint-Esprit. Eko na chugua roho mtakatifu. Anachugua mba l'église. Anachugua kanisa. Il va par l'évangile. Anaipika na injili. D'un côté de l'autre. Ngambo mwana ingine. D'un côté de l'autre. Ngambo mwana ingine. Kasi que le reflète Jésus. Ufika na pale yetaonesha kwa Yesu. Si le Saint-Esprit voit les œuvres de Jésus se produire dans l'église. Kama Roho Mtakatifu naona matendo ya Yesu inatendeka kanisa. Alors les choses commencent à marcher. Pale bintu njo binaanza kutembea mzuri. Oui frère et sœur. Ndio ndugu na dada. Mais il y a trop de scories aujourd'hui dans l'église. Alakini kuku bucha mingi mukanisa. Trop. Ya mingi. Eh bien, ce sont des gens bien. Ni bantu bazuri. Les meilleurs au monde. Ba bazuri mudunia. Cependant, il faut que l'église se prépare. Japo inafashi kanisa. Préparez-vous. Mujitayarishe. La Bible dit. Biblia inasema. L'épouse s'est préparée. Biblia rusi anesha jitayarisha. Amen. Amina. Évangile ya kuitupika jo ile tusaidia. Injili kinufuete, c'est ce qui va nous aider. Na Mungu anapikaga baki. Et Dieu fouette les siens. L'enfant de la maison, malgré qu'il est fouetté, il ne peut pas sortir de la maison. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? Si tu vois que depuis que tu as cru, tu es fouetté de toute manière, et que tu ne fouilles pas, tu es de Dieu. Amen. Amen. Évangile. Injili. Dieu est qu'on a piquana canaille. C'est ce qui nous fouette. Tout ça. Hébreux 12. Ou Hébrani à Kumi Nambili. 10. Mustari à Kumi. Hébreux 12. Ou Hébrani à Sura Kumi. Kumi Nambili. Mustari à Kumi. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours. Comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Amen. Amina. Afin que nous partions. Que nous participions à sa sainteté. Il doit être chériki kutakatifu yake. Avez-vous compris? Dieu nous fait pourquoi? Dieu nous fait pourquoi? C'est parce que nous avons des chériki. Amen. Amina. Il nous châtie, il nous purifie pour que nous puissions. C'est pour que nous puissions participer à sa sainteté. Si toi tu ne veux pas être fouetté, tu resteras souillé tous les jours. Tous ceux-là qui sont ceux-là qui acceptent d'être châtiés lorsqu'ils fautent. Que Dieu vous bénisse. Savez-vous que Dieu est notre père, il est aussi notre mère, El Shaddai, qui a des femmes, une véritable mère. Être mère, ce n'est pas enfanter. Être mère, c'est garder. Comme les mères veillent sur les enfants, il en est de même, Dieu aussi veille sur nous. Il nous châtie sur notre bien, pour que nous puissions participer à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Mais un nom de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible et de justice. Alakini kuna lenta kumwenda masiku kwa wale wote walipigwa tunda ya salama na ya uwaki. Hata mtoto. Même quand on a mupika. Lorsque vous le châtiez, il va croire que vous l'haïssez. Mais kumwenda chiba ta comprendre. Mais au fil des jours, il va comprendre. Que kienyi kiranzo unipikia papa. La raison pour laquelle on est châtié, c'est pour ceci. Je me souviens, maman me disait un jour, il y avait qu'un enfant. Sa maman l'avait gâté. Il était encore petit. Il jouait avec les couteaux. Pointu. Il les soulevait, il s'est crevé l'œil. Sa mère se tenait à la tête. Il s'est crevé l'œil. Il a grandi avec un œil. En grandissant avec un œil, il a regardé que tout le monde avait des yeux. Il a posé la question. Comment expliquer que tout le monde a des yeux, il n'y a que moi qui ai un œil? Sa maman, pour l'expliquer, s'est mise à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Tellement j'étais cajolé beaucoup. Tu jouais avec les couteaux. Au lieu que je t'ai ramené tes couteaux, mais je t'ai laissé jouer avec les couteaux. Tu t'es crevé les couteaux. Maman, tu m'avais crevé. Tu m'avais vraiment causé du tort. Une véritable maman. C'est celle qui châtie les enfants. Dieu est notre mère. Il veille sur ses enfants. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas supporter les châtiments de Dieu. Amos. 3-2. Tatu Mbili. Je vous ai choisi vous seul parmi toutes les familles de la terre. Nalimichagua paka mwenye peke yenu katikati ya mataifa yote ya dunia. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Ndio kwa maana tamia pizza kuma uovu yenu yote. Mukambovu muko bana mke bami. Akambovu yabo kuko bana mume bami. Yabo kudomu. Na mfamie yako. Et même dans ta famille. Mukotele bantu ba mingi. Ya beaucoup de gens. Mungu anakuchagua paka wewe. Mais Dieu t'a choisi seulement toi. Mungu anasema mimi asema pana wewe anapenda paka wewe. Peut-être ton grand frère a dit moi mais il a dit non, pas toi. Il a laissé les autres. Maintenant, il t'a établi ici. Au lieu de suivre la parole de Dieu, au lieu de la mettre en pratique, tu commences à t'amuser à jouer. Il a dit, il va châtier conformément aux iniquités. Iniquité, c'est-à-dire, tu connais que ceci était mal, mais tu les commets quand même. Dieu va te châtier. Maintenant, Jérémie chapitre 2. Jérémie Asurambili. Est-ce que tu peux m'organiser ça? Sommes-nous ensemble? Jérémie 2. Jérémie Asurambili. 2. Verset 19. Jérémie Asurambili, Moussara Kuminatissa. 2. Ok. Ta méchanceté te châtiera. Ukali yako wala bubaya bwako butakuapiza. Hein? kwa pizza itakupika. Angalia. Regarde. Kama tu unaanza maisha mubaya, paka ndio itakupika. Dès que tu commences une mauvaise vie, c'est cette mauvaise vie qui va te châtier. Et ton infidélité te punira. Na kukosa uaminifu wako itakuapiza. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous approcher du péché. Parce que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu n'est pas grand-père. Dieu n'a pas de petits. Il a seulement des enfants. C'est ta méchanceté qui va te châtier. Et ton incrédulité, il va te châtier. Tu sauras que tu... Pardon. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu. Utajua na kuyua ya kwamba ni kitu kibaya sana na kiabuchungu cha kumuacha wa milele Mungu wako. Et de n'avoir de moi aucune crainte. Na kukosa kuniogopa hata kidogo. Dis le Seigneur, le prince des armées. Hivi Bwana wa milele wa majeshi anasema. Oma ushe kuamini miaka na miaka hawikalake na boka ya Mungu roho yako. Comment expliquer que tu as cru il y a longtemps mais tu n'as pas la crainte de l'Éternel dans ton cœur? Ke bange na moyo wako. Fais attention avec ton cœur. Amen. Amen. Ayez la crainte de Dieu. Les chrétiens ne craignent pas les pasteurs. La foi qui craigne les pasteurs ne craint pas. La foi qui va entrer, c'est celle de, qui craint Dieu. Tu vois, tu dis que ici il n'y a Mungu pas de mari. Mais Dieu est là, notre Dieu est partout. Amen. Amen. Nous avançons. Pour expérimenter la Pentecôte, Pawekonja Pentecosta, il faut un évangile qui détruit les péchés. Il n'a pas choisi injili ile kuna bomo la zambi. Il faut un évangile qui secoue les chrétiens et les chrétiennes. Il n'a pas choisi injili kuna tikiza wa Kristo wanawake na wanaume. Il faut un évangile qui pousse les chrétiens. Il n'a pas choisi injili ile kusukuma wa Kristo. Ya makari ya nguvu. Ya kukusekesha, ya kukusuma sukuma. Tesekuwe. Mon souci pas qu'on passe le baptême du Saint-Esprit. Dans les soucis pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Savez-vous que tous les jours ne se ressemblent pas? Oui. Il y aura la dernière prédication. Il y aura la dernière prière comme les soeurs étaient. Les derniers cantiques là où nous allons. Il y aura un grand problème. Maintenant. Comme vous expérimentez Pentecôte. Et si tu n'expérimentes pas la Pentecôte, il y a événement mukuba tu kuna chunga shimu dunia. C'est un grand événement que nous attendons. Lorsqu'il paraîtra. À ce moment-là, que toi tu n'auras pas le Saint-Esprit, tu seras malheureux. Oui. Dio. Dans ce monde, il y a un grand événement que nous attendons. C'est il faut un évangile qui détruit les péchés. Il n'a pas changé l'île à quoi. Qui secoue les chrétiens. Il a kutigiza ba Kristo na kwani zambi. Na kusukuma ba Kristo. Vous devez naître de nouveau. On n'a pas su saluer mara ya pili. Page 6. Kartasi ya sita. Est-ce que tu pas moya? Tu pas moya? Sommes-nous ensemble? Na kuijika tu viko nguvu. Mungu atusaidie. Que Dieu nous aide. Et puis nous nashangaa, mkristo mtu anafurahia sauti ya Mungu. Un chrétien c'est celui qui se réjouit de la parole de Dieu. Tout ça peut-être ni manzambi. Dio te se sa ta refroidir muntu. C'est le péché qui nous refroidit. Pour dire seulement amen. Pour dire seulement amen. Quoi on a quoi patron wetu? Tu deviens notre patron toi. Tu me chez la semaine notre chef c'est Jésus. Nous avons dit hier que chef hier tu dis ça. Taïsoma. Chef quoi pas. Le chef ici. Chef Wanang. Le chef de qui? Oh là là. Oh. Mon lettre circulaire numéro 41 1994. Barua mon page 13. Il y a 41. Frère. Apa. Ici. Un enfant de Dieu. Celui qui est baptisé de Saint-Esprit. Lorsqu'on prêche la parole de Dieu, son cœur est en flamme. Il est prouvé que on garde mbali na uko. Ce sont des expériences qui prouvent que tu es encore loin du salut. Écoutez. Page 13. Carta, en tant qu'enfant de Dieu, Nous devons comprendre une fois pour toutes que dans chacun des domaines concernant Dieu, nous devons en être soumis à sa parole afin d'être en accord avec elle. Pour la communauté également, l'ordre divin est valable. Et nous devons nous y laisser introduire. Pour tous ceux qui sont devenus croyants. Pour chaque homme. Pour chaque femme. Pour chaque père. Pour chaque mère. Pour chaque enfant. C'est Dieu seul qui est compétent dans l'église. Lui seul. Oui. Dieu. C'est lui qui est chef. Je vous ai dit que c'est Yenjo chef. C'est lui qui est capable de nous sauver. Yenjo de nous guérir. Amen. Amina. Que Dieu nous aide. Le prophète a dit, nous les voyons. Vous devez naître de nouveau. Baptiste. Paragraphe. Nukta. Au 16. Kumenasita. Il y a 1961. C'est de 1961. Ainsi que quand je regarde parmi les gens. Wakati minangali ya katikati ya watu. Quand il m'a appelé à être son serviteur. Il a l'init quoi mutumishi. Et quand je regarde parmi les gens. Et que je vois les péchés se glisser. Je dois alors de tout mon être m'encharner dessus. Pour détruire cela. Voilà. Détruire Zambie. Voilà le vrai serviteur de Dieu. Il est là pour détruire les péchés. Et ça peut être semblé dur. Hein? Selon ma façon de considérer cela, elle vient de dire ces choses. Pourtant, au fond, Diapo, c'est comme ça qu'opère le vrai amour. Eh bien, si votre petit garçon ou votre petite fille jouait dans la rue, kama mutoto yako kona cheza mbalabala, ou passe des voitures, et que vous saviez que tôt ou tard, il va se faire tamponner. Mais s'il dit, eh bien papa, je vais être là dehors. Diriez-vous, j'ignore mon petit chéri. Continue seulement de jouer dans la rue. Ça ne serait pas un vrai père. Il vous faut secouer ses petits amis. Et lui donner une fessée. Les réprimander. L'empêcher. Ou faire quelque chose d'autre. Et lui faire quitter la rue. Sinon, il se fera tuer. C'est vrai. Bien. Écoutez maintenant. C'est de cette manière que vous devez agir avec l'évangile. Amen. Amina. Mi mutanirumi, hein? Vous allez me supporter. Unamuna mimi ni obiliaka. La façon dont je prêche. Ah, ah. Tena mimi ni kalaka rafiki. Moi je suis. J'ai toujours été ami de ceux-là qui aiment la parole. Tous mes amis à moi. Hey, pasteur. Pasteur. C'est mon ami. Ni rafiki yangu. De Paul. De Paul. Mon ami. Ni rafiki yangu. Aaron Kyung, mon ami, Rafiki Yamba. Avant même de supporter ma ministère. Je n'ai pas de mauvais amis avant même de recevoir le ministère. Je ne suis pas fanatique. Dès que quelqu'un abandonne la parole, je l'abandonne aussi. Amen. Amina. Lorsque quelqu'un a la parole, il sera mon ami. C'est de la même manière que nous devons agir avec l'évangile. Oui, bien. C'est de cette manière que vous devez agir avec l'évangile. Il Vous devez secouer les gens. Les pousser. Essayer de tout votre possible. Pour que les gens rentrent en ligne. Et j'espère que tout le monde comprend cela ainsi. Et j'espère qu'un jour, après que tout sera terminé, et que le vol aura été ôté de vos visages, nous comprendrons alors. Amen. Il faut toujours secouer. Il faut pousser. Pour que chacun puisse Si toi tu refuses d'être secoué, reste là où tu es. Où est le problème? Si nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui, nous remercions Dieu, puisqu'il nous a donné des véritables serviteurs. Maintenant, ils sont allés se réparer. Ils ne s'amusaient pas avec les péchés. Ok. Nous autres. Pour expérimenter la Pentecôte, ceux qui nous font aujourd'hui, ce sont des bonnes réunions à l'ancienne mode, qui durent longtemps. Pas ces réunions qu'on fait. Mais je ne suis pas contre votre ordre. Mais c'est le message du temps de l'info que nous croyons tous. Jubilé d'Aziza. Jubilé d'Aziza. Page 9. Cartasia. Et 10. Paragraphe 20. Et ça, je pense que vous vous rendez compte. Oui. Mais sinon, frère. Il faut avoir une réunion à Koukaouia. Il faut des réunions qui durent longtemps. Comment ça, il m'énerve à dire que maintenant, vous êtes en réunion, vous consultez la montre. Dès que vous dépassez, dès que vous dépassez nous sommes en belle. Je suis contre l'ordre. C'est le message que je lis, ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Page 20. Quelle image! Quel temps! Et Dieu, je ne vais pas vous garder longtemps. Mais je vous l'ai dit, mes amis, ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des bonnes réunions à l'ancienne mode qui durent longtemps. Ça vous suit inutilement. À la maison, il n'y a rien. Rien du tout. C'est le cas contraire. Ce que nous bénéficions, ça dépasse ce que nous avons laissé à la maison. Qui dit longtemps? C'est ce que j'ai dit. Dans tous les premiers jours, comme je l'ai lu dans les livres sur le début de la Pentecôte, il prêchait toute la nuit. Il priait toute la nuit. Quel temps était-ce? Et pendant que nous sommes tombés, tout à peine dans ma vie, la dunia sana, ne va plus tout fraîche, pour nous maobili, na maomi. Nous aimerions beaucoup de choses. Pas courant, Zobo. Le problème, c'est quoi? Ni quoi, Narom Pekatifu? Narom Pekatifu, on appelle la famille Tibiamungu. Le Saint-Esprit aime des choses de Dieu. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu vas continuer à continuer. Peut-être que ton prêche, tu n'es même pas connu. Honte à toi. Tu vas accepter cela même à la maison. Pendant que nous sommes tombés, Dieu est tout aussi disposé à reprendre son Saint-Esprit. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce que tu le fais? Tu es distrait. Il va retirer son Saint-Esprit. Il va retirer son Saint-Esprit. Mais vos amis pentecôtistes sont en train de veiller. Il est sorti à Kwanguka Loako. Pendant que toi tu es déjà tombé. Tu vas l'accepter même à la maison. Sur l'assistance aujourd'hui, qu'il était à n'importe quelle autre époque au cours des âges. Il est le pouvoir. Dieu en a chaque citerne pleine. Mungu eko na ma citerne ya kuyana. Si vous avez un cœur pour recevoir cela, Dieu le problème c'est le cœur. Mambo tu ni moyo ro. Est-ce que ro a go tayari? Est-ce que ton cœur est-il prêt? Kama haina tayari. Ça ne peut pas étonner Dieu. Et Mungu na waaminifu mingi. Dieu a beaucoup de croyants, de fidèles. Mungu. Dieu. Mungu mbele wa makabila yote, wa mataifa yote, wa malugha yote. Mungu na waaminifu mingi. Dieu il en a beaucoup. Wewe mtu mmoja. Kama unafanya kiburi kwa mambo ya Mungu, habisa mchangaisha Mungu. Quand tu t'entêtes devant Dieu. Utaumiza nafsi yako wewe mwenyewe. Toi-même tu vas faire du mal à ton âme. Page 10. Karatasi ya 10. Kule chini. Un peu en bas. Nous avons vu des signes et des prodiges. Et je suis reconnaissant à Dieu pour toutes les manifestations du Saint-Esprit. Et je suis reconnaissant à Dieu pour chaque personne qui parle la langue. Il faut que dans l'église, qu'il y ait aussi des gens qui parlent la langue. Jésus-Christ que ça soit dit en allé à ta milène. Ma langue est quoi? Ma prophétie quoi? Où sont les parler en langue? Où sont les prophéties? Que Dieu nous vienne en aide. Et je suis reconnaissant à Dieu pour chaque personne qui a l'interprétation, pour chaque don de guérison, pour chaque prophétie, pour tout ce que Dieu a fait, pour chaque pasteur, pour chaque évangéliste. Appelez au vanet tous les services. Comme on est un monstre pasteur. Appelez quelqu'un par le nom du pasteur. Est-ce que vous allez rappeler les seuls pour ça? Les autres ont manqué quoi prêcher maintenant. Ça c'est manqué quoi prêcher. Si j'appelle mon pasteur par le nom du pasteur, est-ce que je peux rater le ciel? Que Dieu nous vienne à l'aide. Le désordre commence par nous qui prêchons. Pour chaque évangéliste, chaque membre de son corps, et je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Mais ce que nous avons besoin aujourd'hui, suivez-moi, c'est d'une nouvelle consécration, d'un rassemblement, d'un retour au vieux chantier. Frère, si nous ne faisons pas cela, dans 50 prochaines années, Dieu ne supportera pas cela plus longtemps. Mais si nous pouvions rester pendant 10 années, quand viendra-t-il si nous ne montons pas très vite ensemble et que nous ne retournons pas aux anciennes lignes de démarcation? Revenez au réveil de la Pentecôte, à l'ancienne mode de la rue d'Aziza. Revenez. Mourudie. Écoutez. Si tu ne fais pas attention, tu peux te pendre comme Judas. Parce que tu as bénéficié des choses du monde, tu n'as pas encore bénéficié de Dieu comme tu n'as pas encore. Consacre-toi. Nous devons l'avoir. Si seulement vous pouviez vous imaginer combien le Seigneur Jésus-Christ est glorieux pour nous. Et ce qu'il a fait pour nous. Et combien il a été patient. Il ne voulait pas qu'aucun ne périsse. Mais que tous parviennent à la repentance. Il n'y a personne qui a la patience comme Jésus-Christ. La patience est pour que nous tous nous puissions obtenir le Saint-Esprit. Ne soyez pas distraits. Que Dieu vous bénisse. Étape une autre étape. Pour expérimenter la Pentecôte, Dieu a Pentecôte, il faut une prédication à l'ancienne mode, il n'a pas qui est claire et qui tue les péchés. Nous sommes contre les péchés. Il faut une prédication qui est claire et qui tue les péchés. Le jubilé d'Aziza. Jubilé d'Aziza. En 1956. En 1956. Page 5. Caritas ya tano. Et page 12. Na Caritas ya kumina mbili. Nukta ya sita. Na nukta ya kumina tatu. Tout au long des âges. Kadiri ya vizazi. Au cours de ces 50 dernières années. Mwima miaka makumi tano ya kumwisho. Des choses sont arrivées dans l'église. Et beaucoup de gens sont tombés. Ça c'est vrai. Et nous sommes désolés de le dire. Mais aujourd'hui, dans ce grand magnifique temple, tel qu'il est, nous remercions Dieu pour cela. Et je suis certain qu'aujourd'hui, chaque croyant ensemble, ainsi que tous les restes, d'entre vous, nous aimerions nous débarrasser de tout ce que nous avons pour déposer cela sur l'autel de Dieu. Envie d'une effusion du Saint-Esprit à l'ancienne mode. Une fois de plus comme c'était au commencement. C'est de cela que nous avons besoin aujourd'hui. Mon ami chrétien, d'un temps de jubilé. Il faut m'obéir à confondre à quoi libre. Il faut des prédications qui te font devenir libre. Aussi longtemps que vous êtes esclave. Aussi longtemps que vous êtes mutuel. Puis quand vous expérimentez Pentecôte. C'est difficile d'expérimenter la Pentecôte. Amen. Amen. Maintenant écoutez. Maintenant. Ça. Pendant tout ce temps. Oui, wakati yo. Les diables a rendu beaucoup de croyants captifs. Par exemple, mufano, la froideur, ubaridi, la mondanité, kidunia, la civilisation, kizungu, se sont glissés dans l'église. Mais il est froid, il est plein de monde, de mondanité. Que Dieu vous bénisse. Ni Satan. Je sais Satan. Satan, je vois quoi ce qu'on combine ou à Zarika. Satan, il a été aussi en là-bas que tu sois. Il connaît bien la beauté du ciel. Ata kwa chile wewe wende kumbingu kule ya kuyaka. Il va pas te laisser libre aller au ciel là où il était. Yote bila nakufa bina kufa baridi. Tout ce qu'il t'apporte va t'amener à la frontière. C'est pour t'empêcher de ne pas aller au ciel. La froideur, la mondanité, la civilisation, se sont glissés dans l'église. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, c'est la commémoration des réveils du Saint-Esprit à l'ancienne mode que nous avions autrefois, dont j'ai entendu nos pères parler. Et comment les anges descendaient et chantaient dans les réunions. La puissance de Dieu prenait le contrôle et les saints étaient nés de nouveau. Amen. Et des choses glorieuses se produisaient. La civilisation amène la froideur. Qui dounia qui on a l'aide baridi. La mondanité amène la froideur. N'anzambi on a l'aide baridi. Les péchés aussi amènent la froideur. Toutes ces choses se trouvent en nous. Vous allez voir quelqu'un qui aime la civilisation de plus que Dieu. C'est de Satan, c'est Caïn qui a commencé la civilisation. Vous allez voir quelqu'un. Un peu béni là, il change même la démarche. Vous le saluez et dit bonjour. Bonjour. Et puis il te regarde. C'est juste la poussière de Kambove. Même les asticots les réclament pour le fait. Malgré tout, il ne peut pas vraiment. Il a la chose comme s'il n'en a pas. Et d'ailleurs dans ces jours-là, peut-être ici chez moi, comme à Lumbashi Alikasi, je disais même cela à mon épouse, il faut vivre une vie cachée. N'a pas wishi maisha ya kisawananakyo. Tu as quelque chose même si tu n'en as pas. Dunia na waka moto. Le monde. Il est ma ungu yako yote ile. Toutes tes orgueils là. Chiku mote di retrouver. Un jour. Kumukajumukaloku. Tu te retrouveras dans une petite fosse. Peut-être uyenga etage. Peut-être tu as construit une étage. Mais pas kujika mukaka. Kajum ka 2 mètres carrés. On va t'enterrer dans une fosse de 2 mètres carrés. Même si on, c'est rien. On construisait la mausolée. L'ouba il va dire que c'est tout. La mort ne change rien. Kankamana bokungari mujima. Persévère pendant que tu es mort. Laisse de l'orgueil. Ah, tu vas l'accepter même à la maison. Et c'est cette prédication, cela provenait, non, et cela provenait d'une prédication à l'ancienne mode. Réussi au fond du bois. Réussi au fond du bois. Du bois. Et cette prédication était claire. Et tuer les péchés. Cela provenait des vieux hommes de bois. Qui peut-être ne connaissaient pas même leur ABC. Mais qui connaissaient néanmoins Christ. Amen. Ils avaient le baptême du Saint-Esprit. C'est cela que nous avons fait aujourd'hui. Du baptême du Saint-Esprit. L'ancienne mode, d'un déversement des bénédictions de Dieu, d'un retour à l'ancienne borne. Bien des fois, nous laissons le monde s'infiltrer. C'est ça le problème avec nos églises aujourd'hui. Oh là là. Nous avons reçu vraiment un prophète. En quelque sorte, nous laissons tomber un peu ici, un peu là-bas. Le diable est entré à partir d'un endroit, est allé à un autre. Il a pris une toute petite partie. Il s'est introduit. Ici, il a pris juste un peu ici, un peu là-bas. La première chose, vous savez, cela a mis tout dans la confusion. Mais ce que je demande à Dieu, que durant le temps de ces rassemblements à l'ancienne mode, que nous tenons ici, les hommes oublient toutes les traditions, toutes les choses qui ont été une trave. Qu'ils mettent à côté tout fardeau et qu'ils reviennent à la réunion à l'ancienne mode. Là où les gens naissent trop de nouveau. Je prie que Dieu nous donne des centaines d'hommes remplis de l'Esprit Saint, là à l'hôtel, qui prieront vraiment Dieu pour que les pécheurs et pour ce qui va arriver durant cette réunion. Oh, quelle différence! Maintenant, je vous aime tous. Et vous m'avez bien accueilli. Amen. Amen. Mais il est menacé. Mais ce que je veux, que votre venir ici, que ce ne soit pas en vain. Que ce soit... Que ça ait de l'importance. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons. L'autre point. Pour expérimenter la Pentecôte, Dieu a couongé Pentecôte. Il faut passer par la circoncision du cœur. Il n'a pas su pita par kutairiwa kwa moyo. Puisque moyo haina lien. Parce que le cœur n'est pas correct. Na mambo yote kunetifike toi nous fanye vivani paka moyo. Tout ce qui nous arrive à faire le mal ça. Il faut qu'il adapte qu'il en tout habite pour circoncision. Il faut que chaque frère et chaque sœur puisse passer par la circoncision. La circoncision c'est enlever le superflu. Amen. Amen. Deutéronome 30. Kumbukumbu la Torah dit makumi tatu. Verset 6. Musari ya sita. Unajua wakati nilifika nianze kushangaa kanisa yenu hii. Savez-vous lorsque je suis arrivé, je m'étonnais de votre temple. D'abord, que Dieu vous bénisse, frère. Tous ceux qui ont fait à ce que cette constitution, que Dieu vous bénisse richement. Qu'il bénisse vos travaux, vos activités. Maintenant, écoutez. Un jour, vous ne serez plus dans ce temple. Un jour, ce temple, ça sera même pour ses voisins ici. J'essaie un peu de tourner à côté là. J'ai vu les voisins, ils ont mal construit. Peut-être que ce sont eux qui occuperont ce temple. Ai-je mal parlé? C'est comme ça. Peut-être que ça sera peut-être l'hôtel de l'État. Que Dieu vous bénisse richement. Vous avez construit. C'est pour qu'on puisse en profiter. Afin qu'on prêche. Et qu'on nous allons laisser ce temple. C'est par ici qu'on va se souvenir de nous. C'est le monument que vous laissez à Kambo. Toi, tu vas refuser d'aller à la maison. D'ailleurs, on est allé nous construire des maisons. Ceci n'est rien. Nous allons laisser ça à ces gens. Ils vont dire, Pasteur Ngoïndaï, Pasteur José, et tous les diacres, que Dieu vous bénisse. Ils nous ont laissé les temples. S'il y a un frère ou une sœur qui s'amusait, ils vont rester se cafouiller avec eux. Vous allez palabrer. Peut-être que vous allez gagner procès. Le jour que vous aurez les documents, je ne souhaite pas qu'il y ait même quelqu'un qui va rester. Amen. Amen. Trente. Makumitatu. Deutéronome 30. Kumbukumbu la Torah dit sura yake makumitatu mustari ya sita. Car l'Éternel ton Dieu. Wani wa milele Mungu wako. Circoncira ton cœur. Atatairi moyo wako. Et le cœur de ta postérité. Na moyo wa uzao wako. Et maintenant tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Sasa utampenda tout ton cœur. Na moyo wako. Et de toute ton âme. Na nafsi yako. Afin que tu vives. Ili upate kuishi. C'est vrai. Ni kweli. Kama Mungu anasirconcire ya dada ya nduku. Atamupenda Mungu wake. Si Dieu circoncile le cœur des frères de la sœur, il aimera son Dieu. Son Dieu occupera la première place. Il aura la joie du salut. Et on ne va pas l'exhorter pour aller à l'église. On ne va pas l'exhorter pour chanter. Il y en a qui chantent même pas. Tu ne chantes pas, c'est plus que tu n'es pas encore moyen que tu as hérité. Lorsque quelqu'un est sauvé, la première chose que Dieu lui donne, c'est la joie. Même si tu ne connais pas les cantiques, il va quand même taper les mains. Je me souviens lorsqu'on arrive dans l'église, les frères et les sœurs ponctués par Amen, on était surpris là, étonnés. Mais ils dérangent. Alléluia. Amen. Dieu a dit, attendez, tu vas aussi y arriver. Amen. Même lorsque nous les forçons, il ne faut même pas les forcer. La parole de Dieu concerne le cœur. Si Dieu est dedans, toute la gentillesse va fuir. Le fait d'être patron, ça va tomber. Tu vas l'accepter même à la maison. Romains chapitre 2. Warumi sura kimbili. 28 à 30. Makumi mbili na munane, makumi tatu. Romains. Warumi. Frères et sœurs, montre et co-baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, vous n'allez même pas le conduire dans le Saint-Esprit. Comme une idade. Si c'est la sœur, avant de quitter sa maison ou sa chambre, il va d'abord regarder sur ses pagnes, si c'est convenable ou pas. Que Dieu vous bénisse. Je sais bien que tout le monde va aller badada. Je pense que nous avons des sœurs respectueuses qui veillent sur les Écritures. Romains. Warumi. Romains 2. Warumi surambi le makumbi na bunani. Les Juifs. Muyuda. Ce n'est pas celui qui en a le dehors. Aina ule kona konekana kwa inje. Et la circoncision. Na kutairiwa. Ce n'est pas celle qui est visible. Aina ile ya dans la chair. Mumwili. Mais les Juifs. Alakini muyuda. C'est celui qui l'est intérieurement. Ni ule ko muyuda ndani. Et la circoncision. Na kutairiwa. C'est celle du cœur. Ni ile ya moyo. Selon l'esprit. Kufuatana et non selon la lettre. Hapana kufuatana na barua. Amen. Amina. Mumoyo wa mutu. Dans le cœur de l'homme. Bile triona na moyi. Bilinachapisha mutu. Ce qui suit. Mawazo mubaya. Mabwizi. Matama ya mno. Le convoitise. Bile biote il faut bipite ku circoncision. Tout cela il faut que ça passe par la circoncision. Mungu ajeje kukubeba kupeleka ku mbingu na tamaa ya bana mke. Je ne peux pas t'amener au ciel avec la convoitise. Non, frère. Non, mon frère. Aba bana mke mungu anasa ni bazuri ni bongo. Ces femmes que vous prenez pour des bazuri sana. Pardon. Comme Dieu ne commet jamais d'erreur, si par hasard tu te retrouves et que tu as la convoitise des femmes, lorsque nous allons louer, toi tu vas commencer à contempler les hommes et que Dieu t'enlève avec l'esprit du vol qui t'amène au ciel. Là au ciel on dit, il y a des avenirs qui sont pavés en or. Toi avec l'esprit des Congolais, des convoitises des minéraux, pendant que nous allons louer, toi tu vas commencer à détruire des noms. Tu dois penser à retourner avec le Congo. Tu ne peux pas aller au ciel. C'est pourquoi nous faisons 4 qui pendent qui abouillent. C'est pourquoi Dieu, il faut qu'il puisse circoncire la partie du vol. La circoncision dont nous parlons, ce n'est c'est pas avec l'anesthésie. Parfois, ça fait mal. Je commande à Ikuna Uma. N'est-ce pas? Aïna Ville. Ça te fait mal, tu diras, Ineno Ikungufu. Qui peut l'écouter? Nani wa kuisikia? Bakushikia be quoi? Il y en a qui peuvent l'écouter. Sama wa usikia be, ngini watashiki? Si toi tu ne l'écoutes pas, il y en a qui écoutent. Amen. Amina. Et ta peigne. Pour expérimenter la Pentecôte, frères et sœurs, il faut une prédication à l'ancienne mode qui redresse le cœur tortueux. Un cœur tortueux, serpenté. Tu ne peux pas aller au ciel avec un cœur tortué. Non. Apana. De toute façon, nous allons lire. Sommes-nous le Luc chapitre 3. Luca sura qui a tatu. Verset 3 à 6. Nous sommes à tatu qui fait nakusita. Et il alla dans tous les pays des environs du Jourdain. Prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon qu'il était écrit dans les livres des paroles d'Esaïe les prophètes, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée. Et toute montagne, toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins rabotés seront aplanis. Et maintenant tout cher verra le salut de Dieu. Amen. Amen. Un chrétien n'est pas de monter, de descendre. Aujourd'hui les chrétiens, demain il devient païen. Aujourd'hui tu es sauvé, demain tu tombes. Aujourd'hui tu mènes la, tu vis la parole de Dieu. Le lendemain non. Un cœur tortueux. Il faut la prédication de l'Église dure pour redresser ton cœur. Amen. Amen. Jérémie 17. Comme la Saba. Jérémie 17. Jérémie a sur la commune à Saba. Le cœur est tortué par-dessus tout. Le cœur est tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur. Et je sonde les reins. Pour rendre à chacun selon ses voies. Et selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen. Amen. Amen. Mungwe mibariki. Que Dieu vous bénisse. Mungwe mibariki sana. Que Dieu vous bénisse richement. Mungwe anagana bariki miguu na tembea jua bari njema. Dieu bénit les pieds qui marchent pour l'évangile. Efe kutoka kunyumba kuya hapa. Le fait de quitter la maison de bénédiction. Ni baraka. Ikikia neno. Accepter la parole. Bipandi, qu'elle puisse te couper des fois tortueuse. Un chrétien c'est quelqu'un qui est ouvert devant son prochain. Devant son épouse. Nombreux ne sont pas honnêtes devant les femmes. Il a l'argent, il ne lui dit pas tout. Il ne faut pas tout dire à la femme. Tu es païen. Tu vas l'accepter même à la maison. La femme, c'est ton corps. Et le dépasse même ta mère. Même ça aussi, vous me dites amen. Et alors tu caches une partie d'argent. Ah, il ne faut pas tout montrer à la femme. Tu feras l'accident, tu meurs. Cet argent là va pourrir puisque tu es méchant. Pour donner l'argent à la femme, c'est dans la poche. Il va trier dans la poche. Écoutez, Dieu, après avoir donné la vie éternelle, la deuxième des choses qu'il a donné à l'homme, c'est la femme. Celui qui maltraite sa femme, il se maltraite soi-même. Elle dépasse sa mère. Dieu a dit, l'homme quittera ses parents et sa femme, s'attachera à sa femme, il deviendra singe. C'est-à-dire, vous allez quitter la responsabilité de tes parents. Ils ne peuvent plus conduire ta maison. Sois honnête devant ta femme. Toi aussi femme, sois honnête devant ton mari. Que le Seigneur Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Nous nous arrêtons par ici. Si Dieu veut, nous allons continuer les dimanches. Invitons les gens qui ne viennent pas, qui n'ont pas l'habitude de venir ici. Que chacun de nous, qu'il invite même une personne afin qu'il puisse venir écouter la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.